Chapitre 14e. Un plateau couvert de fougères dominant le sommet de montagnes exposées aux grandes brises de l'Atlantique, un sol rongé par l'air salin, une herbe verte et molle, des fougères immenses échappant par toutes les fentes de blocs pierreux, la bruyère revêtant de ses reflets de pourpre les masses grises des rochers qui surgissent de terre comme des fleurs. Tel est l'aspect que présente la région appelée les Landes de Gorse, qui s'étend jusqu'à Landvet, près de Bodmin. Au loin se dessinent comme des lions accroupis les formes massives des montagnes de Cornouailles, Rough Tor et Brown Willy. On les aperçoit de tous côtés quand on regarde vers l'ouest. C'est un lieu sauvage, solitaire et solennel entre tous. Les parties de ces landes qu'on a arrachées à la stérilité n'en conservent pas moins leur cachet d'âpre solitude, les traces ineffaçables de leur origine. La présence de l'homme ne se manifeste pas plus que sa voix ne s'y fait entendre, mais tous les bruits de la nature y ont leur écho. La lointaine vibration de la mer, le bourdonnement de l'abeille dans la bruyère, le cri mélancolique des mouettes et le chant joyeux de l'alouette. Sur la frontière de Cornouailles s'élève Penrith Place, château massif qui date de 1650, mais qui semblait antérieur à cette époque. Dans ce manoir sont nés, ont vécu, sont morts tous les Penrith depuis plus de 2 siècles. Le plan architectonique en est lourd et sévère. En vain le temps a marché, en vain le vent du progrès a soufflé, la construction primitive a tenu bon. Il est vrai que toute amélioration est coûteuse et que le goût de thésauriser est un des traits du caractère des Penrith. Au reste, l'intérieur révèle le même respect du passé et le même dédain du présent. Les meubles de chêne sculptés, noirs de vieillesse, remontent au temps des Stuarts, sauf quelques cabinets japonais, incrustés de nacre, rapportés des Indes par un Penrith aventureux. Les grandes salles de réception sont vastes, mais trop basses. Les autres pièces étroites manquent d'air. La plupart des fenêtres sont condamnées. Les autres ne s'ouvrent qu'à demi. Mais l'ornementation des plafonds sculptés dorés fait compensation à cette tristesse apparente. Leurs corniches bien fouillées présentent aux angles les armoiries des Penrith. L'escalier est de proportions monumentales. Il conduit à une longue galerie de bal où personne n'a jamais dansé et à laquelle succède une autre galerie de tableaux où, sur 2 rangées, les portraits de famille se regardent d'un air sévère. Le château est situé assez loin de la route carrossable tracée à travers la montagne jusqu'au village de Sainte-Colombe. Il y a un pavillon au bord du chemin où demeure le jardinier de M. Penrith. Plus loin, une prairie traversée par un chemin à laquelle on peut donner le nom de parc. Plus loin encore, des jardins et des vergers d'une grande beauté. Car dans ces régions, il suffit d'un écran de tamarin et de sapin pour permettre à la terre de se parer de toutes les grâces de la rose, du myrte, du jasmin, du magnolia, de la clématite, du chèvrefeuille et de l'hortensia. Mademoiselle Penrith a le goût de l'horticulture et sa collection de dahlias lui inspire un naïf orgueil. Mais c'est plutôt un amusement qu'une passion. Elle est dévote, mais la dévotion ne l'a pas toujours à ce point absorbée qu'elle n'ait éprouvé le besoin d'être admirée. Elle a été plusieurs fois sur le point de se marier, mais les longs délais des fiançailles qu'elle a imposés à ses prétendants ont toujours fini par les décourager. Le jour vint où elle fut réduite à serrer dans une malle de camphre sa blanche toilette de mariée. Elle se donne parfois la triste satisfaction de regarder ses vêtements immaculés, de défroisser les jupes de soie et de replier les délicates mousselines en soupirant. Sa piété de puritaine avait successivement fait reculer un jeune docteur et un ministre anglican. Elle s'en consolait en se disant qu'elle était sans doute destinée à quelque meilleure partie, car la défection de ses fiancés n'était jamais à ses yeux que la preuve de leur peu de valeur. Elle avait hérité très jeune d'une jolie fortune de sa mère, et bien qu'elle ne détestât pas dépenser un peu d'argent pour satisfaire ses goûts, elle n'eût pas admis qu'un mari exploitât sa fortune à elle pour son profit à lui. Habitant chez son frère, Mademoiselle Penrith voyait son capital grossir chaque année. Les aumônes dont elle se faisait la dispensatrice lui valaient à bon marché le titre de Madame la Charité. Au fond, elle n'était peut-être pas fâchée d'avoir échappé aux écueils contre lesquels on se heurte sur le chemin de la vie conjugale, mais il est difficile néanmoins de renoncer à toute idée de bonheur, sans qu'il reste au cœur quelques traces d'amertume et sans que l'aigreur ne s'insinue comme un venin dans le caractère. La nouvelle du mariage de Vivien fit à Mademoiselle Penrith l'effet d'un coup de foudre. Épouser à cet âge une jeune personne de 20 ans que l'on connaît seulement depuis quelques mois, et sans demander préalablement conseil à sa famille, était le fait d'un cerveau malade, assurément. La vieille fille avait décidé que son frère mourrait célibataire. Elle se flattait également que Marc suivrait l'exemple de son aîné, car il avait largement passé la trentaine sans paraître songer au mariage. Mademoiselle Penrose avait donc arrangé que la fortune de Vivien passerait à un cousin, dont les opinions religieuses, d'une parfaite orthodoxie, étaient en tout point conformes aux siennes. Elle se demandait si elle pourrait maintenant continuer à tenir à Penrose Place le sceptre de l'autorité et du commandement, comme elle l'avait tenu depuis tant d'années. Telles étaient les pensées qui s'agitaient dans son cerveau, tandis qu'elle arpentait la terrasse du château dans l'attente des nouveaux époux, dont l'arrivée ne pouvait plus tarder. La soirée était belle. Tout en cherchant à distinguer au loin le bruit des roues, Mademoiselle Penrose entendit le joyeux carillon des cloches. « Quelle idée a eu mon frère de donner tant d'éclat à ce mariage? Il épouse une jeune fille qui n'a rien, qui n'est rien. Et moins on fera de bruit autour de ce mariage, mieux cela vaudra. On en glosera bien assez dans le pays. » Et elle marchait lentement, s'arrêtant de temps à autre pour regarder à l'horizon si elle n'apercevait pas la voiture des nouveaux époux. Mademoiselle Penrose avait mis ce jour-là sa plus belle robe, sa plus belle chaîne d'or, ses plus belles boucles d'oreilles. Dans cette circonstance, il ne s'agissait pas de se laisser écraser par sa jeune belle-sœur et de ne lui montrer qu'une beauté déjà flétrie. Mais Mademoiselle Penrose aurait en vain paré sa beauté, rien ne pouvait la rendre sympathique. Son front altier dénotait l'ambition contrariée. Son nez aquilin et pointu, une force de volonté peu commune. Son regard, une sûreté impitoyable pour découvrir les défauts du prochain. Ses lèvres rigides, une dureté cruelle. C'était une grande personne hautaine et froide, ayant toujours l'air de remplir un rôle majestueux. Mais son calme apparent la faisait respecter de ceux-là même qui étaient le moins disposés à l'aimer. La lune de miel s'était prolongée bien au-delà du temps que M. Penrose lui avait assigné primitivement. Car à peine à Paris, Barbara, fléchissant sous le découragement et le désespoir, tomba malade. Les conseils des hommes de l'art et le dévouement de son mari finirent par triompher du mal. Dès que sa femme fut en état de supporter le voyage, M. Penrose l'emmena en Suisse, dans l'espoir que l'air vivifiant des montagnes rendrait à la jeune convalescente santé, force et fraîcheur. Il s'était bien gardé de s'expliquer sur ce contretemps dans ses lettres à sa sœur, et il affectait d'y prendre le ton dégagé et gai qui convient à un nouveau marié. Mademoiselle Penrose est toujours absorbée par l'attente des voyageurs. Tout à coup, elle entend le bruit de la porte ouverte dans le mur tapissé de lierre, et elle voit s'avancer Marc Penrose, celui qui a la haute main sur la direction des ardoisières. On disait généralement qu'il menait joyeuse vie, quoiqu'il n'eût d'autre corde à son arc que les émoluments de sa place de directeur et qu'il fût par conséquent dans la dépendance absolue de son frère. Le mariage de Vivien lui coupait évidemment l'herbe sous le pied dans le présent et dans l'avenir. Aussi la nouvelle ne pouvait lui en être rien moins qu'agréable. « Un frère cadet ne compte pour rien », se disait Marc en allant voir ses chiens à l'écurie. Il avait la passion des chiens et des chevaux. C'était souvent un sujet de querelle entre lui et sa sœur. Elle lui répétait à satiété que chaque chose doit être à sa place, que les hommes sont faits pour vivre dans leurs habitations et les chiens dans leurs chenils. Marc suivait l'allée sablée en faisant crier le gravier sous ses pieds. Sa démarche était lente, anomalie bizarre chez un homme d'affaires, qui doit mieux et plus qu'un autre avoir des habitudes d'activité et connaître le prix du temps. Il n'y avait aucun rapport entre le physique de Vivien et celui de Marc, dont les yeux étaient bleus, les cheveux noirs et les traits réguliers. Mais son menton, partagé par une fossette, indiquait de la faiblesse et son regard avait quelque chose d'oblique, qui manquait de franchise. On disait que Marc Penrose aurait pu faire un très bon mariage, s'il n'eût été pris depuis longtemps dans des liens dont il ne pouvait se dégager. Cette histoire était connue de tout le monde, sauf de Vivien et de sa sœur. Il avait de beaux appointements, 3 ou 4 chevaux à sa disposition, et autant de chiens qu'il en pouvait souhaiter. Bien que sa vie semblât devoir être très agréable, il n'avait pas l'air d'un homme qui suit le chemin du bonheur. « Que vous paraissez absorbé, » dit Mademoiselle Penrose à son frère, pendant qu'il marchait à côté d'elle le long de la terrasse. « J'ai été accablé de préoccupations et de tourments depuis quelque temps, » dit-il. « Vous, Marc ?»« Oui, je fléchis sous le poids de 1000 tracas. Mes derniers achats de chevaux ont été désastreux. Mon dernier pur sang est cornard. Pourquoi acheter tant de chevaux? Je ne pourrais vivre dans cette geôle sans chevaux et sans chiens. Je n'ai pas, comme Vivien, des sacs d'or à compter pour me distraire. Et vous voyez néanmoins qu'il a fait une folie insigne, épouser une personne de 20 ans. » Mademoiselle Penroth ne répondit mot. Mark lui inspirait trop peu de considération pour qu'elle daignât lui dire ce qu'elle pensait du mariage de leur frère. C'était du reste un sujet qu'elle n'avait encore abordé avec personne, de peur de manquer à la prudence qui convient à une chrétienne. Bientôt enfin, on aperçut la voiture qui se rapprochait du perron. Vivien se hâta de descendre afin d'offrir la main à sa femme avec la plus affectueuse sollicitude. « Comment vas-tu, Prissy? Et toi, Mark ? » dit-il à son frère et à sa sœur. Mademoiselle Penroth restait immobile comme une statue. C'était le regard inerte d'une personne dont le cœur est fermé. Rien ne trahissait sur sa physionomie ni intérêt ni même curiosité. La jeune femme descendit de la voiture d'un pas hésitant, appuyée sur le bras de son mari. Mark recula d'étonnement à la vue de ce visage émacié, aux yeux dont l'éclat extraordinaire rappelait l'incendie qui dévore. Barbara tendit la main à sa belle-sœur. Celle-ci la serra avec autant de froideur que l'on peut en mettre en pareille occasion. Mark y mit au contraire la plus grande cordialité en disant « Soyez la bienvenue à Penroth Place », puis il lui prit le bras. « Permettez-moi, ajouta-t-il, de vous conduire au salon pendant que Vivien donne quelques ordres. Vous avez l'air un peu souffrant. » « Elle est extrêmement fatiguée, » dit Vivien. « Paris était trop bruyant pour elle, la Suisse trop calme. J'espère que l'air de Cornouailles lui conviendra mieux. » Embrassant d'un coup d'œil l'aspect du château et du pays, Barbara dit, en levant sa main décharnée vers l'horizon, comme si elle eût voulu repousser les montagnes, « Que c'est grand, beau, solitaire !»« Cela ne ressemble pas à l'animation de la grande route de Camberwell, » riposta Vivien. « Oh non !» s'écria-t-elle avec un sourire mêlé de regret, qui voulait dire que ce souvenir était pour elle comme une oasis dans le désert. « Mark, » dit Vivien à son frère, « emmène ta belle-sœur au salon, puis que Prissy la conduise dans ses appartements. J'espère que tout a été préparé à souhait. Vous ne m'avez envoyé aucune instruction à cet égard. Comment? Mais votre propre instinct était le meilleur guide. Je ne pouvais deviner les goûts, les habitudes et les fantaisies de Madame Penroth, rétorque Prissy d'une voix âcre et mordante. Barbara jeta sur Mademoiselle Penroth un regard d'une mélancolie navrante. Il était évident que sa belle-sœur serait pour elle une ennemie au lieu d'une amie, comme elle l'avait espéré. Mais que lui apportait une goutte de plus ou de moins dans la coupe si amère de la vie. « J'espérais, » reprit Vivien en s'adressant à sa sœur, « que vous auriez rajeuni quelque peu ce vieux cadre. Après tout, à quelque chose malheur est bon, car Barbara sera souveraine maîtresse d'arranger les choses à son goût. Vous êtes bien bon, Vivien, mais je suis sûr d'avance que je ne ferai aucun changement. Je ne suis pas aussi persuadé que vous, car vous n'avez pas idée combien tout est suranné ici. » Les choses sont comme elles étaient il y a 100 ans. On était arrivé au vestibule, salle immense et sombre, revêtue de panneaux en chêne, sur lesquels étaient appendus des trophées de guerre et de chasse. À l'extrémité se projetait une cheminée capable d'engloutir une forêt. Barbara n'avait pas les nerfs assez bien trempés pour ne pas se sentir glacée par la tristesse imposante de cette résidence quasi féodale. Cette impression lui rappela celle qu'elle avait éprouvée le jour où le capitaine Leland l'avait conduite à la tour de Londres. Le crépuscule rendait plus lugubre encore la longue galerie que traversèrent Barbara et Mademoiselle Penroth, et sur laquelle s'ouvraient les chambres. Celle qui était destinée à Madame Penroth était longue et étroite, avec deux larges fenêtres encadrées dans des baguettes de fer forgé, autour desquelles s'enroulaient des myrtes et des roses. Des poutres gigantesques se déployaient dans toute la longueur du plafond. De grands sièges de chêne, recouverts de hautes lisses, des tapis et des tentures de teintes neutres, des tapisseries de Flandre sur les murs, un lit immense à baldaquins richement sculptés et à colonnes en chêne tournées en spirale. Tous ces monuments des siècles passés étaient vieux et tristes. Prissy marchait devant sa belle-sœur comme le geôlier chargé de conduire un prisonnier à sa cellule. « Cette chambre a toujours été celle de Vivien, » dit-elle avec une raideur implacable, « mais si vous préférez la mienne, je la mets à votre disposition. » « Comment pouvez-vous supposer que je consentirai à vous causer le moindre dérangement? Je voudrais tant que nos relations s'établissent sur le pied d'une affectueuse intimité. »« Il ne tiendra qu'à vous, » répondit Mademoiselle Penroth. « Néanmoins, je dois dire que je suis assez rebelle aux amitiés nouvelles. J'ai vécu solitaire et j'ai bâti très haut. » Elle vit que cette phrase était inintelligible pour Barbara, puis elle ajouta solennellement, les yeux à demi fermés, en citant un de ses poètes favoris, « J'ai bâti l'édifice de mes espérances au-dessus de ce monde, et les amitiés terrestres ne peuvent avoir de prise sur moi. » À peine cette phrase achevée, Mademoiselle Penruff sortit. Barbara alla s'asseoir sur un tabouret recouvert de velours d'Utrecht, placé dans l'embrasure d'une des fenêtres, réchauffé encore par un dernier rayon solaire. La brise, tiède, embaumée du parfum des fleurs, faisait ondoyer légèrement la chevelure de Barbara. Madame Penruff ne se doutait pas que, maintes fois, pendant les heures de la fièvre, sa tête exaltée par le délire avait subi l'obsession ardente de ses souvenirs et que son mari, assis à son chevet, en écoutant sa respiration, avait entendu sa femme appeler George Leland et s'écrier en suivant d'un œil hagard sur le mur un point qu'elle croyait être le Hesper. « Oh, cruelle mère, pourquoi le ravir ainsi à mon amour ?» C'est alors seulement que Vivien avait compris combien Barbara avait aimé son fiancé et combien la source de cet amour était intarissable. Mais ne le lui avait-elle pas avoué franchement et loyalement? Il voyait clairement au fond de l'abîme et pourtant il ne désespérait pas de le combler à force d'amour et de dévouement. « Oui, disait-il, le noble besoin de la reconnaissance finira par me gagner le cœur de Barbara. » En effet, rien ne pouvait égaler sa sollicitude pour elle. Il semait l'or sous ses pas. Il réalisait aux yeux des garçons d'hôtel et des femmes de chambre le type le plus accompli du Milord anglais. Il cherchait, il essayait, il imaginait tous les moyens d'être agréable à sa chère jeune femme qui, morne, affaissée, les joues amaigries, n'avait plus rien qui pût justifier aux yeux des indifférents le mariage d'élection qu'il avait fait en épousant Barbara. Dès qu'elle se trouvait seule, elle restait longtemps plongée dans ses rêveries, se demandant s'il pourrait jamais supporter la tristesse de ses landes incommensurables, de ses chaînes sans vigueur, de ses gens sans charme, car même son mari, si bon qu'il fût pour elle, avec son air morose et sévère, lui inspirait plus de terreur que d'amour.